La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Le théâtre et l'université, une émission de Marcel Giraudet et Philippe Dechartre. Le jeudi 6 novembre, à la salle Richelieu, les comédiens français ont donné une représentation de la comédie de Molière, Don Juan, que vous allez entendre, avec le concours de messieurs Yonel, Don Louis, Chambreuil, un pauvre, Jean de Bucourt, Don Juan, Robert Hirsch, Pierrot, Ledouze, Ganarelle, Paul-Émile Débert, Don Alphonse, Georges Vitray, Gusman, Maurice Porterat, Monsieur Dimanche, Jacques Servière, la statue du commandeur, Jean-Paul Roussillon, Ragotin, Jean-Pierre Joris, Don Carlos, Mesdames Micheline Boudet, Charlotte, Maria Cazares, Elvire, Nelly Vignon, Mathurine. Mise en scène de Jean Meyer. Voici tout d'abord un avant-propos de Philippe de Chartres. La comédie française a repris Don Juan, le lendemain de la réception bouleversante que la maison de Molière réservait à Charles Chaplin, le lendemain, soir de général, monsieur l'administrateur Pierre-Aimé Touchard avait tenu à inviter, avec la presse, les débataires de la tribune libre des établissements scolaires de Paris. Ainsi, mêlés au tout Paris, on remarquait à l'entracte, enflammés par une discussion passionnée, les représentants des lycées Buffon, Carnot, Chaptal et du lycée de filles Camille C. Le lendemain, ces jeunes gens, au moment même où la presse parisienne publiait les papiers de nos grands critiques, autour du micro, à la radio, engageaient le débat sur le spectacle auquel ils avaient assisté. C'est là une nouvelle étape que le théâtre et l'université se devaient de franchir. Et il faut dire à la Comédie française toute la reconnaissance que nous lui avons d'accepter avec tant de sympathie notre expérience et de suivre avec tant d'intérêt l'action du théâtre et de l'université. À nos auditeurs, aux professeurs et aux élèves, nous avons le plaisir d'annoncer la collaboration régulière de notre premier théâtre national. En effet, le théâtre et l'université diffusera ses émissions deux fois par mois. Le deuxième jeudi de chaque mois sera réservé au spectacle de la Comédie française. Prenez donc l'écoute à 14h25 sur la chaîne nationale. La diffusion du mercredi sur la chaîne nationale de 21h à 22h30 sera réservée aux autres théâtres et aux autres troupes. Et maintenant, le rideau se lève sur Don Juan ou le festin de Pierre. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vie. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche partout où l'on se trouve. On n'attend même pas qu'on en demande. Et l'on court au-devant du souhait des gens. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Dame Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour. Que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Et la raison encore, dis-moi, je te prie, Ganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper. Mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi ? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan ?

Et moi, parfois, je batifole et tout. En batifolant, donc, puisque batifolé, il y a. J'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans Guyot et qui venait comment vers nous par secousse. Je voyais ça fixiblement, et puis tout d'un coup, je voyais que je voyais plus rien. Hé, Lucas, sais-je fait. Je pense que voilà des zooms qui nageant là-bas. Voir, je m'a dit fait. T'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble. Pas le sang qui aime, sais-je fait. Je n'ai pas la vue trouble, ce sont des zooms. Et point du tout, ce m'a-t-il fait. T'as la barlue. Oh, ça, sais-je fait. Veux-tu gager que sais-je fait que j'ai pas la barlue, sais-je fait. Et que ce sont des zooms, sais-je fait, qui nageant droite ici. Sais-je fait. Morken, ce m'a-t-il fait. Je gage que non. Oh, ça, sais-je fait. Veux-tu gager 10 sols que si. Je le veux bien, ce m'a-t-il fait. Et pour te montrer, v'là, j'en suis jeu. Moi, j'ai point été ni fou ni étourdi. J'ai bravement bouté à tard 4 pièces tapées, 5 seuls en double, germiguienne. Ou aussi hardiment que si j'avais avalé un verre de vin. Car je suis hasardeux, moi. Hein. Et je vais à la débandade. Je savais pas ce que je faisais, pourtant. Hein. Que niais. Enfin, non. J'avons pas plutôt gagé. J'avons vu les deux zooms tout à plein qui nous enseignent de les aller quérir. Et moi, tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, sais-je dit. Tu vois bien qui nous appelons. Allons vite à leur secours. Ah non, ce m'a-t-il dit, ils m'ont fait perdre. Ton temps qui a qu'à la parfum pour te faire court. Je l'ai tant sarmouné que je nous sommes boutés dans une barque. Et puis j'avons tant fait qu'un cac, je les avons tirés de bio. Et puis je les avons menés chenoux auprès du feu. Et puis ils se sont dépouillés tout nus pour se sécher. Et puis il n'en est venu deux autres de la même bande qui se sont sauvés tout seuls. Et puis Mathurine est arrivée à qui l'on a fait les 12 yeux. Voilà, justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait. M'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Oui, c'est le maître. Il faut que ce soit que gros, gros monsieur. Car il y a du d'or sur son habit, tout depuis le haut jusqu'en bas. Et ceux qu'il servent sont des messieurs eux-mêmes. Et c'est appendant. Tout gros monsieur qu'il est, il serait par ma fille gnayé si l'avion était là. Tardez un peu. Par Ken, sans nous, il en avait pour sa mène de fèves. Es-tu encore chez toi tout nu, Pierrot? Nanin, ils l'avons rhabillé tout devant nous. Mon Dieu! Elle n'avait jamais vu s'habiller. Que d'histoires et d'engins gorgnaux boutant ces messieurs-là, les courtisans. Je me perdrais pour moi là-dedans. Et j'étais tout ébaubi de voir ça. Tiens, Charlotte. Ils avaient des cheveux qui tenant point à leur tête. Et ils boutant ça après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qu'on les mange. Où j'entrerions, toi et moi, tout brandis. En lieu d'autre chose, ils portent un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En lieu de pourpoint, de petites brassières qui ne leur venaient point jusqu'au brichet. En guillot de rabat, un grand mouchoir de cou à Résio avec quatre gros soupes de linge qui leur pendant sur l'estomac. Ils avaient eu tous nos petits rabats au bout des bras et de grands entonnoirs de passement aux jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans, que j'en ai une vraie pitié. Il n'y a pas jusqu'au souillé qui n'en soit parti tout depuis un bout jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une manière que je me romperai le cou à eux. Par ma fille, Pierrot, faut que j'aille voir un peu ça. Oh, écoute un peu auparavant, Charlotte. J'ai que contre chose à te dire, moi. Bien dit, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut comme dit l'autre que je débande mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien. Et je somme pour être mariés ensemble. Mais Morken, je suis point satisfait de toi. Comment, qu'est-ce donc, Iglia? Iglia, tu me chagrines l'esprit, franchement. Mais comment donc? T'es tigué, tout même pas. N'est que ça? Oui, n'est que ça, et c'est bien assez. Mon Dieu, Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Je te dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Si c'était pas toujours la même chose, je te dirais pas toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils te font, que veux-tu? Germiqué, je veux que tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime point? Non, tout de même point. Et si, je fais tout ce que je puis pour ça. Je t'achète sans reproche des rubans à tous les marciers qui passent. Je me romps le cou à t'aller dénicher des marles. Je fais jouer pour toi les vielleux quand se vient ta fête. Et tout ça... comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, ça n'est ni bio ni honnête de n'aimer point les gens qui nous aiment. Maman, Dieu, je t'aime aussi. Ouais, tu m'aimes, d'une belle dégaine. Que même veux-tu donc qu'on fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand l'on aime comme il faut. T'aimais-je point aussi comme il faut? Non! Quand ça est, ça se voit. Et l'on fait toujours mille petites singeries aux personnes quand on les aime du bon du cœur. Regarde la grosse Thomas, comme elle est assotée du jaune robin. Elle est toujours autour de lui, à l'agacer, légèrement en repos. Toujours à l'y fait que kniche ou l'y baille que taloche en passant. Et l'autre jour, qu'il était assis sur un escabio, elle fut le tirer de sous lit et le fit chouer tout son long partard. Jarny, là où on voit les gens qu'aimant. Mais toi, tu ne me dis jamais mot. T'es toujours là, comme une vraie souche de bois. Et je passerai 20 fois devant toi que tu grouillerais pas pour me bailler le moindre coup, me dire la moindre chose. Votre quête, c'est pas bien, après tout. Et t'es trop froide pour les gens. Mais que veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur, je ne puis me refondre. Il n'y a humeur qui tienne. Quand on a de l'amitié pour les parsounes, l'on abaille toujours quelques petites signifiants. Enfin, je t'aime tout autant que je pille, et si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'en aimer que contre. Eh ben, v'là pas mon compte. T'es tigué si tout même dirais tout ça. Pourquoi me viens-tu aussi t'arabuster l'esprit? Morquet, que mal te fais-je? Je te demande qu'un peu d'amitié. Eh bien, laisse faire aussi, Pierrot, il ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup sans y songer. Touche dans l'art, Charlotte. Bien, qui a? Promets-moi donc que tu t'as jamais aimé davantage. J'y ferai tout ce que je pourrai, mais il faut que ça vienne de lui-même. Pierrot! Est-ce là ce monsieur? Oui, le v'là! Oh mon Dieu, qu'il est gentil! Que ça aurait été dommage qu'il eût été nayé. Je reviens tout à l'heure. Je m'en vais voir Chopin pour me rebooter, tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. Nous avons manqué notre coup, Scanard. C'est le courage qu'on a prévu à renverser avec notre barque tout le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me causait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours créées. Paix, coquin que vous êtes, vous ne savez ce que vous dites, et monsieur sait ce qu'il fait. Allons. Où sort cette autre paysanne, Ganarelle? As-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément. Autre pièce nouvelle. D'où me vient la belle, une rencontre si agréable? Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. La belle personne, que ses yeux sont pénétrants. Oh, monsieur, vous me rendez toute honteuse. Non, non, il n'y a pas de honte d'entendre dire vos vérités. Scanarelle, qu'en dis-tu? As-tu rien vu de plus joli? Tournez un peu, s'il vous plaît. Cette taille est jolie. Haussez un peu la tête. De grâce. Le visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ils sont beaux. Touche-moi un peu ces dents. Elles sont amoureuses. Et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Je n'ai jamais vu une plus charmante personne. Oh, monsieur, ça vous plaît à dire? Je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, me railler de vous? Oh, Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour ça, c'est du fond de mon cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligé, si ça est. Quoi, vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis. Ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Oh, monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi, et j'ai pas l'esprit pour vous répondre. Scanarelle, regarde un peu ses mains. Mais monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Quoi du tout, ce sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites, et si j'avais su ça tantôt, j'aurais pas manqué de les laver avec du sang. Et dites-moi, belle Charlotte, n'êtes pas mariée sans doute? Non, monsieur, mais je dois bientôt l'être. Avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non, non. C'est profaner tant de beauté. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qu'il connaît bien, m'a envoyé ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et vous mettre dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute. Mais quoi? C'est un effet de votre grande beauté? Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois? Aussi vrai, monsieur. Je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise, et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il faut jamais croire les messieurs, et que vous autres courtisans êtes des enjôles qui ne songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Non, ils la gardent. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation, et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Comment j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous? Je serais assez lâche pour vous déshonorer? Non, j'ai trop de conscience pour ça. Je vous aime en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dirai, sachez que je n'ai pas d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt, quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, n'ayez crainte, il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Ah, Charlotte, je vois que vous doutez encore de moi. Vous me faites grand tort de juger moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis enfin, belle Charlotte, quand on est faite comme vous, on est à couvert de toutes ces sortes de craintes. N'ayez pas l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Oh Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites comme on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas? Ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Ah. Il y aurait de la conscience à vous, et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Je vois que vous doutez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel... Je ne jurerai point. Je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Mais monsieur, attendez que je croie en rien, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, je veux tout ce que vous voulez, belle Charlotte. Abandonnez-moi seulement votre main, que je lui exprime par 1000 baisers le ravissement où je suis. Tout doucement, monsieur. Tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la pure vie. Oh, qui m'amène cet impertinent? Vous dites que vous vous teniez et vous caressiez pas nos accordés. Ah, que le bruit. C'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Mais laisse le faire aussi, Pierrot. Comment que je le laisse faire? Je veux pas, moi. Ah, moi, t'es étudié parce que vous êtes monsieur, vous voudrez caresser nos femmes à notre barbe. Allez vous en caresser les vôtres. Don Juan donne un soufflet à Pierrot. Étudié, ne frappez pas. M'entraquez. Manquez, c'est pas bien de battre les gens. Et c'est pas là la récompense de vous avoir sauvé d'être nayé. Oh, Pierrot, ne te fâche point. Je veux me fâcher. Et t'es une vilaine, tu vas l'endurer contre cajole. Oh, Pierrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser. Et tu ne dois point le bouter en colère. Bien, mon jarni, tout m'est promis. Ça n'y fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, pourrais-tu pas être bien aise que je devienne madame? Verniquer, non. Je vais même mieux te voir crever que de te voir un autre. Va, Pierrot, ne te mets pas en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose. Et tu apporteras du beurre et du fromage chez nous. Ventre qu'elle n'y apporterait jamais. Quand tu m'en paierais deux fois autant. Mais est-ce que ça que t'écoutes ce qu'il te dit? Morken, si j'avais su ça, tantôt, je me serais bien gardé de le tirer de Guillaume. Je lui aurais baillé un bon coup d'aviron sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? J'ai remis qu'est-ce qu'on a perçu. Oui, attendez-moi un peu. Je me moque de tout, oui. Voyons cela. J'en avons vu bien d'autres. Ouais. Mais monsieur, laissez-le, ce pauvre misérable, je suis conscient de le fait. Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Je veux lui dire. Ouais. Eh ben, je vous apprendrai. Oh! Peste soit du marouf! Tu vas te voir la pluie de ta charité. Jarny, je vais dire à Satan de tout ménage fille. Ouais! Mon bonheur à toutes les choses du monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme. Monsieur! Faites-vous donc là avec Charlotte! Hein? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait l'envie d'être ma femme et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc vous, maturine? Elle est jalouse de me voir vous parler, elle voudrait que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Je lui dirais que ce serait inutile, elle s'est mis ça dans la tête. Comment donc, c'est maturine? C'est enfin que vous lui parlerez, vous lui ôterez pas cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais! Elle est obstinée comme tous les garçons. Vraiment? Je ne sais rien, c'est une folle. Je pense! Elle est là, c'est une extravagance. Non, il faut que je lui parle, je veux voir un peu ses raisons. Ouais. Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra, je lui donnerai parole de la prendre pour femme. Oula, Charlotte! T'en es pas bien de courir sur le marché des autres. C'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Si vous avez vu la première, il m'a vu la seconde et il m'a promis de m'épouser. Eh bien,

Et vous êtes en droit de ne jamais trouver de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Parbleu coquin, je vous apprendrai à laisser Monsieur Dimanche dans une antichambre et vous ferai connaître vos gens. Monsieur, cela n'est rien. Je dois vous dire que je n'y suis pas, Monsieur Dimanche, ou meilleur de mes amis. Monsieur, je suis votre serviteur. J'étais venu... Dites un siège pour Monsieur Dimanche. Oh, monsieur, je suis bien comme cela. Non, non, non, je veux que vous soyez assis tout contre moi. Cela n'est point nécessaire. Ôtez ce pliant. Donnez un fauteuil. Oh, monsieur, vous vous moquez. Et je... Non, non, non, non, non, non, non, non, je sais ce que je vous dois. Et je ne veux pas qu'on mette de différence entre nous deux. Oh, monsieur. Asseyez-vous. Non, je suis bien comme cela, monsieur. Et je n'ai qu'un mot à vous dire. Mettez-vous là à vous dire. Mais non, monsieur, je suis bien. Je suis venu. Je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez. Parbleu, monsieur Dimanche, vous vous portez bien. Mais oui, monsieur, pour vous rendre service. Vous avez un fond de santé admirable, les lèvres fraîches, le teint vermeil, les yeux vifs. Je voudrais bien... Comment se porte madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une brave femme. Oui, elle est votre servante, monsieur. Et votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. Oh, c'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Et votre chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort? Et mord-t-il toujours aux jambes les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous le serions en cheville. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de votre famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Je suis... Touchez donc là, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Oh, monsieur... Je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Il n'y a rien que je ne fiche pour votre service. Oh, monsieur, vous avez trop de bonté pour et moi. Et cela sans intérêt, croyez-le bien. Non, je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Mais monsieur... Où ça? Monsieur Dimanche, sans façon. Voulez-vous souper avec moi? Oh non, monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Vite un flambeau pour combien, monsieur Dimanche? Et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Oh, monsieur, il n'est point nécessaire et je m'en irai bien tout seul. Non, non, non, non, non, non, je veux qu'on vous escorte. Je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur et de plus, votre débiteur. Monsieur... Et c'est une chose que je ne cache pas. Et je le dis à tout le monde. Oh, si... Voulez-vous que je vous accompagne? Oh, monsieur, vous vous moquez. Embrassez-moi donc, monsieur Dimanche. Et soyez persuadé que je suis tout à vous et qu'il n'y a rien que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Oh, il est vrai. Il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrive à quelque chose. Que quelqu'un s'avisait de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière. Mais je le crois. Mais, Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh, ne vous mettez pas en peine. Il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle... Me devez quelque chose en votre particulier. Fille, ne parlons pas de cela. Ah, comment? Ne sais-je pas bien que je vous dois? Ah oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent! Vous vous moquez! Je vais! Hey, je vais! Mais... Je vais! Ah, monsieur, votre père! Ah, me voilà bon. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui. Et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche,

quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Vite, à souper. Ah, fort bien. Scannarel, il faut s'amender pourtant. Oui, de... Mais oui, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans d'une vie comme celle-ci, et nous songerons à nous. Oh! Quel est-il? Rien. Voici le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Parle donc. Qu'as-tu là? Oh, mais c'est une fluxion. Tu lui es tombé sur la joue. Oh, vite une lancette pour percer ça. Le pauvre diable n'en peut plus. Eh, mon Dieu, fais voir. Cet abcès ne pourrait étouffer. Voyez comme il est ému, hein? La peste coquin. Ma foi, monsieur, je voulais voir si votre cuisinier n'avait point mis trop de sel ou trop de poivre. Allez, mets-toi là et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Tu as faim, ce que je vois. Oh, je crois bien, monsieur, je n'ai point mangé depuis ce matin. Tâtez de cela, voilà qui est le meilleur du monde. Mon esquier! Mon esquier! Mon esquier! Doudou, s'il vous plaît! Merci bleu, petit compère, que vous êtes habile à donner des assiettes nettes! Oh, mon esquier! C'est la violette que vous savez présenter à boire à propos. Qui peut frapper de la sorte? Qui diable nous vient troubler dans notre repas? Je vais souper en repos pourtant, qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Du commandeur est entrée, elle s'approche de la table. Une chaise et un couvert, vite dans. Alors, mets-toi à table. Monsieur, je n'ai plus faim. Mets-toi là, te dis-je. Je te l'apporte, Scannarel. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif. Bois et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. Qu'importe. Vous autres, approchez. Accompagnez sa voix. Don Juan, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai. Accompagné du seul Scannarel. Je vous rends grâce. Il est demain jeûne pour moi. Prends ce flambeau. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Mon fils,

Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui arrivera. Nous verrons. De vrai, nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là ? C'est pire que le reste et je vous aimerai encore bien mieux comme vous étiez auparavant.